Les opposants au grand projet industriel dénoncent un climat de haine dans l'estuaire de la Loire. C'est un article de Samy Archimède, paru le 19 octobre 2021 sur le nouveau site tout beau, tout neuf, magnifique, de Basta, à l'adresse basta.media. Et en voici la lecture. Les actes de répression se multiplient à l'encontre de militants écologistes opposés à plusieurs grands projets industriels, dont un parc écotechnologique de 110 hectares en aval de Nantes. Enquête sur une violence sociale devenue ordinaire. La nuit, je me réveille et je ne vois que du flic. À 62 ans, dont 40 passés à combattre les grands projets industriels, Hubert Maurice en a côtoyé des uniformes, des gendarmes mobiles et des bottes de CRS. Mais jamais au point d'en perdre le sommeil. Le 6 juin dernier, ce paysan bio, à la carrure imposante, participe avec des camarades du collectif Stop Carnet à une manifestation contre le parc écotechnologique que le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire veut implanter au Carnet. Site naturel, convoité par l'État depuis un demi-siècle. Le projet, dédié aux énergies renouvelables, menace 51 hectares de zones humides et 116 espèces animales et végétales protégées. Le militant est alors violemment interpellé par les gendarmes, sa tête heurte le sol et il perd connaissance pendant quelques secondes avant d'être traîné puis jeté dans un véhicule. Les médecins qui l'examinent le jour même, puis 5 jours plus tard, attestent de multiples contusions sur son corps. Il se trouve en état de sidération et présente des signes d'anxiété, constate-t-il. 3 mois après les faits, Hubert Maurice n'en revient toujours pas. « J'ai été menotté, j'ai subi 7 interrogatoires en garde à vue, j'ai eu plusieurs semaines d'arrêt de travail et 20 séances de kiné. Et maintenant je vais voir un psychiatre. » Lutte contre l'implantation d'une centrale nucléaire au Carnet dès les années 1980, lutte contre les OGM, puis contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Depuis qu'il milite, le sexagénaire affirme n'avoir jamais subi un tel traitement. Avant, on pouvait aller au contact des gendarmes sans risquer de se faire casser la gueule. Aujourd'hui, je passe pour un voyou, un terroriste. Le militant écologiste comparaîtra le 8 novembre prochain au tribunal d'instance de Saint-Nazaire pour menace de commettre un crime ou un délit sur personne dépositaire de l'autorité publique. La pression judiciaire sur les militants et militantes a clairement augmenté ces dernières années. Pour avoir préparé un rassemblement non déclaré l'an dernier sur le Carnet, 4 personnes ont été convoquées au tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, dont Hubert Maurice et son fils, Johan, le cofondateur de Stop Carnet et paysan lui aussi. Les procès pour des motifs ridicules, c'est nouveau, relève ce dernier. Pour le jeune homme, cela ne fait aucun doute. Après Bure, le projet d'enfouissement des déchets radioactifs dans la Meuse, la lutte du Carnet est la plus réprimée de France. La plupart des militants restent très peu de temps, ils se fatiguent très vite, confirme Alix, 33 ans. Engagé depuis la naissance du collectif, il a réussi à se préserver en retournant régulièrement à Nantes. Depuis le 31 août, date d'installation d'une nouvelle zone à défendre, une ZAD à l'entrée du Carnet, la tension est montée d'un cran. Je ne compte plus le nombre de gendarmes qui patrouillent sur ma ferme et celle de mon père, ni le nombre d'hélicoptères qui passent au-dessus de nous, lâche le trentenaire. Gabrielle Amarie, une des porte-parole du collectif, a elle aussi assisté à la multiplication des vols stationnaires au-dessus de sa maison. Un jour, j'ai cru qu'ils allaient arracher la croix qui est sur le toit, tellement il était bas, se rappelle-t-elle. En Loire-Atlantique, la grande peur des pouvoirs publics, c'est de voir une nouvelle ZAD prendre racine. Le 23 mars 2021, plus de 400 gendarmes sont intervenus pour déloger les quelques dizaines de zadistes installés au Carnet. Une étrange opération, se souvient Léo. Le nom a été changé. Le jour de l'évacuation, on a été escorté à pied, comme dans une manif, par les gendarmes jusqu'à l'entrée de Paimboeuf. Il y avait des gens au bord de la route qui nous prenaient en photo. On avait l'impression d'être parqués comme un troupeau. On a vécu ça comme une humiliation. Et puis, il y a ce climat de haine que Johann Maurice a senti monter dans le pays de Retz à partir de décembre 2018. Avec les collectifs Terre commune et Zap la vague, ils tentent alors de mettre en échec un projet de surf park que des entrepreneurs veulent construire à Saint-Père-en-Retz. S'en suivent des menaces de mort et des appels à brûler sa ferme publiés sur Facebook par des riverains. Le 20 juillet 2019, la tension est à son comble. Des agriculteurs, accompagnés de riverains, arrivent en tracteur pour déloger eux-mêmes les opposants au surf park qui voulaient organiser un festival de résistance sur un des terrains menacés par le projet. Nous avons vu arriver une vraie milice. Ils voulaient clairement s'en prendre à moi, assure Johann Maurice. Les faits se déroulent en présence de plusieurs élus locaux et sous les yeux de la gendarmerie qui tarde à s'interposer. L'opération est pilotée par la FNSEA du département, comme le prouve ce surprenant communiqué, qui a un lien vers le communiqué en question. Une sorte d'opération Déméter, entre guillemets, avant l'heure. 5 mois plus tard, en effet, le ministère de l'Intérieur annonçait la création de la cellule Déméter, là aussi il y a un lien, dispositif national de coopération entre la gendarmerie et la FNSEA visant à, citation, assurer la sécurité des agriculteurs. Opération collective anti-zadiste, mais aussi ballon de paille brûlé, vol de foin, caravane renversée, sucre déversé dans le réservoir d'un véhicule, intrusion violente en pleine nuit dans plusieurs propriétés. En l'espace de 2 ans, combien d'actes d'intimidation et de malveillance ont été commis contre les opposants et opposantes au surf park et au projet du Carnet, et contre leurs familles et leurs amis? Le plus souvent, les victimes n'osent pas porter plainte, et quand elles le font, les gendarmes ferment les yeux. Le plus dur pour le moral, c'est la pression que les citoyens ordinaires mettent sur nous, confie Johann Maurice, qui a mis des mois à se remettre des violences dont il a été la cible. Des citoyens qui cherchent à se faire justice eux-mêmes, le spécialiste du vigilantisme Laurent Gayet, chercheur au CNRS, en a croisé beaucoup lors de ses recherches en Inde et au Pakistan. Avant l'été, il s'est rendu dans le pays de Retz et son constat est sans appel. J'ai été consterné par le niveau de violence sociale, la tension, l'ostracisme et la manière dont les militants et militantes peuvent littéralement être mis au ban par la communauté villageoise, marginalisés, harcelés par la population. Il y a une tension ordinaire extrêmement importante. Et elle risque d'augmenter dans les années à venir à mesure que les luttes sociales et environnementales vont gagner en intensité. Les maires de la communauté de communes de Sud-Estuaire, Loire-Atlantique, n'ont pas la même analyse. Le 10 mars dernier, ils ont porté plainte pour incitation à la haine et au meurtre suite à des inscriptions sur des panneaux de circulation et sur les réseaux sociaux attribués aux zadistes. Sylvain Scherrer, le maire de Frossay, tendance d'hiver droite, une des deux communes sur lesquelles le parc éco-technologique du Carnet doit être implanté, reproche aux opposants et opposantes de ne pas respecter la démocratie et les décisions de construire le parc. Interrogé par Basta, l'édile fustige à la fois l'illégalité des actions des zadistes et le désintérêt de la majorité de ses administrés pour l'avenir de leur commune. Dans le même temps, il estime que ce projet venu de l'Élysée a été très mal vendu, imposé à la population sans véritable débat public. On a merdé, confesse l'édile. Sylvain Scherrer maintient néanmoins que ce grand projet pourrait apporter des emplois locaux à un sud-estuaire sous-industrialisé par rapport au nord. Mais sa pétition en faveur du projet, lancée il y a un an, plafonne à 377 signatures. Celle du collectif Stop Carnet, en revanche, va bientôt atteindre les 11 000. De son côté, le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire prétend que le projet n'est plus à l'ordre du jour. Aucune entreprise ne s'est portée candidate pour intégrer le parc de 110 hectares. Les membres du collectif Stop Carnet sont pourtant persuadés que les travaux d'aménagement vont reprendre. Et, par peur de la répression, beaucoup ont quitté la zone. Ceux qui restent ont décidé de relancer le combat en construisant une maison de la résistance à 2 pas du Carnet et en créant des convergences avec d'autres luttes environnementales dans le Grand Ouest. Bourrache fait partie de ce petit groupe d'irréductibles. Le prénom a été changé. Bien que peu exposée aux menaces, elle n'habite pas le pays de Ray, la jeune femme préfère garder l'anonymat, échaudée par la répression qui s'est abattue sur ses camarades. Mais sa détermination reste intacte. On se battra contre le projet du Carnet. Et jusqu'à ce qu'il soit abandonné. Donc plusieurs prénoms ont été modifiés sur le site de basta.media en illustration de cet article de Samy Archimède. Vous pouvez retrouver des photos, différentes photos fournies par soit par le collectif Stop Carnet, soit prises par Samy Archimède lui-même. Et j'illustre cette lecture d'un portrait de Johan Maurice, une chouette personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que je croise très très souvent virtuellement. Voilà, c'était bien le minimum à faire que de lire ce reportage pour soutenir cette lutte ô combien juste et importante. Je vais continuer cette lecture par des petites nouvelles. Donc, comme indiqué dans l'article de Basta, il y a une maison en cours de construction pour ancrer la lutte et de manière un peu moins dangereuse, on va dire aussi. Donc, c'est la maison du Carnet qui sera un lieu de lutte et d'accueil. Et elle se construit sur un terrain privé. Donc, ça permet déjà d'éviter pas mal de cagades. Il y a des réunions d'information qui sont organisées régulièrement, donc il suffit de contacter le collectif Stop Carnet, Zad du Carnet, etc. Je vais vous lire d'ailleurs, je pense que ce sera encore plus simple, l'appel à construction, hein, ce sera plus simple. Il est retrouvé sur le site stopcarnet.fr. Donc tout petit, tout attaché, stopcarnet.fr. Et voilà, c'est un appel. Venez construire, soutenir la résistance près du Carnet ces prochaines semaines. La maison du Carnet n'attend plus que toi pour prendre forme. Le grand port maritime déterminé à relancer le projet industriel du Carnet, on ne le laissera pas faire. Appel à soutien pour continuer de construire la résistance. Chantier collectif pour une maison du Carnet sur un lieu privé près du Carnet. Nous avons besoin d'être nombreux et nombreuses ces prochains jours, ces prochaines semaines pour monter un rapport de force face aux tentatives d'intimidation et notre détermination à continuer la résistance. Si tu as envie de passer quelques jours, quelques semaines à la campagne, à faire un peu de bricolage sur le chantier de la maison de la résistance, mais pas seulement, de maraîchage chez des copaines, participer à l'orga d'un infotour du Carnet, donc il y a un infotour, oui, effectivement, en ce moment, créer du lien avec les voisins, ou juste profiter de la campagne, souffler un peu de la ville, ou prendre un peu de vacances en mode autogestion. Chacun, chacune fait sa vaisselle, participe aux tâches collectives comme la cuisine, vider les toilettes sèches, etc., faire des récup. On n'a personne pour le faire à notre place et on est contre le patriarcat. Ça concerne les tâches en général. Mais voilà, si ça, tout ça t'intéresse, tu es le ou la bienvenue avec ta tante ou ton camion. Si tu veux nous rejoindre, avoir plus d'infos, nous ramener du matos, apporter ton soutien de quelconque manière que ce soit, écris-nous à orlaloire@riseup.net, donc orlaloire, HORSDLALOIRE, orlaloire@riseup.net, risseup.net ou alors zadducarnet@rise.net, zaddducarnet@ le même rise.net que tout à l'heure. Il y a aussi plus d'infos sur la lutte du carnet sur les sites zaddducarnet.org, je l'ai appelé au début de la lecture, ou stopcarnet.fr. Je peux vous dire vite fait la liste de matos qui est également bienvenue pour le chantier de construction de la maison du carnet et pour la vie quotidienne ou les événements qui sont organisés de temps en temps. Donc évidemment du bois en tout genre pour la construction, des outils de construction genre baramine, pied de biche, scie à bois, scie à métaux, marteau, etc. etc. échelle et escabeau, tiges filetées, boulons, cordes, tôle, bâche, plexiglas, isolant, pointe, vis, vélo, ça, brouette, kit de réparation de vélo, eh ben oui. Les vêtements sont les bienvenus, notamment les vêtements chauds et de pluie, les bottes, les chaussures de rando, les chaussettes. Ouh là là, les chaussettes, comment c'est important. Mais également sont bienvenus des caravanes ou autres structures pouvant servir à l'abri. Du bois pour se chauffer, bien sûr, un poêle, un chauffe-eau à gaz. Oui, une génératrice, bah oui, hein, parce que bon, c'est l'hiver qui arrive. Les câbles élec, les rallonges, les prises et le tableau élec aussi, du coup, si l'électricité se met en place. Donc voilà pour ce qui concerne les appels à soutien, les besoins de soutien. Et puis il y a une cagnotte de soutien qui est disponible pour aider. Elle est à l'adresse cotisup.com/lutte-du-carnet. Lutte carnet, pardon. Donc cotisup, cotisup.com/, donc la barre, vous savez, hein, la barre, oui, vous savez. Lutte carnet, LUTTECARNET. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et n'hésitez pas. Oui, bon, d'accord, la lecture a été peut-être effrayante sous certains aspects, mais il y a aussi une forte solidarité, ça c'est indéniable, donc n'hésitez pas à rejoindre cette lutte, ou toute lutte proche de chez vous, parce que ben, il n'y a pas le choix, faut y aller, comme dit l'autre. À bientôt!